respect and care in whatever we do. behind me. Knew there was something she was hiding. But now I find the truth, the thing she'll never use. Middle of the night. Sur Évasion. Là, il est 21h, la prochaine heure avec Vita, les choses qu'on fait, ce sera après Teddy Swims, ça sort Évasion. Évasion. Évasion. Votre radio dans la région. Losing my mind, overshadows and grind.

jeudi soir avec Mike Perry et Océane sur Évasion sur la région. Anthony vous accompagne avec toujours plus de tubes sur Évasion. Tiens, n'oubliez pas, demain matin, hein, vous allez pouvoir gagner encore une fois un week-end de charme en jouant à la star du jour avec Cyril. C'est à 10h10 et 11h10. Vous allez vous évader le temps d'un week-end et partir à deux, hein, pour un séjour magique avec une nuit dans un château, un bel hôtel étoilé ou encore dans une demeure de charme avec dîner et petit déjeuner compris. C'est à gagner demain matin sur Évasion. Et je vous offre une nouvelle demi-heure de tube en non-stop. On démarre après les offres d'emploi avec David Guetta et Ava Max. Hein. C'est la reprise d'Alphaville, Forever Young. Évasion. Les offres d'emploi dans votre région. L'agence Option Intérim recherche un chauffeur de bus confirmé avec de l'expérience pour un poste en intérim dans toute l'Île-de-France. Il est nécessaire d'être diplômé et expérimenté. Pour postuler, envoyez votre candidature à agence.montigny@optionintérim.fr ou contactez le 01 55 35 15 10. Un gestionnaire d'hôtel est recherché à Montmartre. Il est nécessaire d'avoir une expérience de 2 ans minimum et de maîtriser l'anglais. Pour postuler, envoyez votre candidature à jpourtous476@gmail.com. Et si vous voulez recruter, envoyez vos offres sur job@evasionfm.com. À bientôt pour d'autres offres d'emploi sur Évasion. Retrouvez toutes les offres d'emploi de votre région en podcast sur evasionfm.com. Le WhatsApp d'Évasion. Dès maintenant. Envoyez tous vos messages sur le numéro WhatsApp d'Évasion. Un message à faire passer à l'antenne. Une dédicace, un tube à écouter. Envoyez votre message vocal sur le WhatsApp d'Évasion. Au 07 68 60 50 17. 07 68 60 50 17. Envoyez tous vos messages sur le WhatsApp d'Évasion. Parlons automobile. Parlons technologie et motorisation e-tech. Parlons de Renault 5 e-tech électrique, fabriqué en France. Jusqu'à 410 km d'autonomie et système Open Air Link avec Google intégré. Renault 5 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Et pendant les portes ouvertes du 16 au 20 janvier seulement, profitez de 2 mois de loyer offert. Borne de 990€ hors taxe pour forfait borne plus installation du 1er au 31 janvier. 3e et 4e loyer offert si accordiac. Offre à particulier valable du 16 au 20 janvier. Conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Évasion. Évasion. Toujours plus de tubes. No one is the man.

toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Toujours plus de tubes. Things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You know

way in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. Gonna shake, throw it away. C'est Santa et vous écoutez mon nouveau single La Différence sur Évasion. J'ai le vertige de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou. Et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai. Je préfère t'en trop au pas assez. Tu feras la différence, ton cœur prend des vacances. Il danse avec les loups, résiste. Tu feras la différence quand le cœur de l'enfant s'est arrêté, résiste. Il rendra chaque coup. Ouais. La photo fiche. Fin de soirée avec le nouveau Santa, la différence sur Évasion. Et Santa qui partira en tournée dans toute la France, la tournée des Zéniths dès le mois de juin, avec une première date attendue au Zénith de Nantes. Ce sera le 5 juin pour une des révélations de l'an dernier, Santa. La suite sera avec Pierre Garnier et Mpokora. Passez une excellente fin de soirée. Demain matin pour vous réveiller, dès 5h, n'oubliez pas, hein, c'est le duo avec Mathieu et Fanny pour le grand réveil sur Évasion. À demain. Vos idées sorties, Évasion. Lyon. Un salon pour les fans d'escalade en salle, en extérieur, en solo ou en groupe, ce sport rassemble de plus en plus d'adeptes. Depuis 4 ans, il a son salon dédié et pour la première fois, ce salon se déroule à Paris, porte de Versailles. Au programme, animation, table ronde, conférences, rencontres, tests de matériel et murs d'escalade pour s'initier. Rendez-vous samedi 11 et dimanche 12 janvier. Info sur salon-escalade.com. Des véhicules anciens en plein Paris. La 25e traversée de Paris hivernale investira la capitale le dimanche 12 janvier. Pas moins de 700 véhicules de plus de 30 ans déambuleront dans les rues de Paris. Vous pourrez ainsi admirer des voitures d'époque, des tracteurs, des vélos.